Le soleil, la nuit, tout concorde. New York et Paris, tout concorde. L'espace et le temps, les larmes et le sang, tout concorde. Nuages et Mach 2, tout concorde. La mer et les cieux, tout concorde. La beauté, la peur, les crashs et l'horreur, tout concorde. Oh, mon aigle blanc, le ciel est complètement gris. Mon roi du vent, il pleut les cordes à Roissy. Caviar et cristal, tout concorde. D'un siècle idéal, tout concorde. Les nations, l'orgueil, le génie, le deuil, tout concorde. L'utopie naissante, tout concorde. Des années 60, tout concorde. Les murs et les sons, les désillusions, tout concorde. Oh, mon aigle blanc, le ciel est complètement gris. Mon roi du vent, il pleut les cordes à Roissy. Mon aigle blanc, le ciel est complètement gris. Il pleut des cordes à Roissy. La vie, la vitesse, tout concorde. L'homme et sa détresse, tout concorde. Et la boîte noire de notre mémoire, tout concorde.